Bonjour à tous, hein, c'est Yvan de 400 ISO. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de la foire à la photo de Bièvre. Je suis un petit peu en retard en général, je vous préviens un petit peu plus tôt. Alors en effet, c'est dans 15 jours, hein, donc c'est samedi 5 juin à partir de 14h jusqu'à 21h, enfin bon, donc ça dure un petit peu tard. Et dimanche 6 juin de 7h à 18h. Voilà, donc ça, c'est le marché des antiquités et des occasions, évidemment la partie principale de Bièvre. C'est-à-dire pouvoir faire de bonnes affaires sur une brocante dédiée à la photo. Donc on trouvera du matériel, on trouvera du papier, on trouvera des antiquités, des anciennes photos. Il y aura également donc, le marché des artistes avec certaines expositions et des conférences sur les nouvelles technologies. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement réservé aux amoureux de l'argentique. Évidemment, sur un réflexe numérique, on peut, pour la plupart, adapter d'anciens objectifs sur les derniers réflexes numériques. Voilà, et ce, pour une bouchée de pain. Si vous voulez un 50 mm à grande ouverture, vous en trouverez à 20 € à Bièvre. C'est le cas de Thomas qui a acheté donc un 50 mm 1.7 pour son Pentax numérique. Voilà, un petit bijou pour 20 € à Bièvre. Ça coûte pas cher. Et ça fait de très belles photos. Quant à moi, je serai là samedi. Je ne sais pas ce qu'il en est de Thomas. Je vais essayer de voir s'il peut venir en même temps. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, vous pouvez toujours nous contacter via la page contact, évidemment, du site 400 ISO. Et pour tous les renseignements concernant cette foire à la photo de Bièvre, il y a le lien sur notre site de la foire. Tous les renseignements sont sur le site du Club Photo de Bièvre. Voilà. Salut, à bientôt et peut-être à samedi. Ciao !